Donc, merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je viens parler au LADIS, puisque ce laboratoire est celui où j'ai fait ma thèse. J'ai soutenu ma thèse en 99. Je ne sais pas si le LADIS il date de quand, de cette année-là, à peu près. Avant. Ah bon, 96, voilà. J'avais commencé à Strat, j'ai fini au LADIS. Et donc, j'avais fait ma thèse de géographie ici. Je suis donc Christophe Soulard, je travaille à l'INRA depuis 2000 et je suis donc à Montpellier dans un laboratoire, une UMR qui réunit des chercheurs de l'INRA, du CIRAD et des enseignants chercheurs de Montpellier Supagro, école d'agronomie. C'est une UMR, on est 60 personnes et une vingtaine de doctorants. Et donc on travaille à la fois sur les régions méditerranéennes et tropicales. Donc innovation, le libellé exact, c'est innovation et développement dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et en fait, ça réunit des chercheurs de plusieurs disciplines qui travaillent sur les innovations par les acteurs eux-mêmes à différents niveaux, donc au niveau des agriculteurs, donc des changements, des adaptations des systèmes de production agricole dans différents contextes. Donc il y a une équipe là-dessus, il y a une équipe qui travaille davantage sur les marchés agroalimentaires, en particulier les nouvelles formes de marchés agroalimentaires liées aux dynamiques de qualification des produits, indications géographiques, également dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et une troisième équipe à laquelle j'appartiens, qui s'appelle IT, Innovation Territoriale, Dynamique et Gouvernance des Relations Ville-Agriculture, et on travaille principalement en France et avec une ouverture en Méditerranée. Et cette équipe, un petit effectif, on est une dizaine, doctorants compris, et avec plusieurs géographes, également économie territoriale et sociologie. Voilà, donc la présentation que je vous propose porte sur les agriculteurs et l'espace, pratiques et logiques de développement à proximité des villes. Et ça reprend ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt un bilan, un itinéraire de recherche sur cette question. Et je vais vous présenter cela en deux temps. D'une part, les agriculteurs et l'espace. Donc, c'est vraiment la relation des agriculteurs et l'espace, c'est vraiment mon objet de recherche, et je voulais commencer par préciser un peu ce que j'entends par là et d'où vient en fait de quel point de vue je parle sur cette question des relations des agriculteurs à l'espace. Et puis ensuite, donc c'est un peu une forme d'introduction, pourquoi s'intéresser à cette question. Et puis qu'en est-il à proximité des villes, où là je vous présenterai quelques résultats, quelques flashs sur finalement qu'est-ce qui se passe du côté des agriculteurs dans ces situations de proximité urbaine. Alors pourquoi s'intéresser aux relations des agriculteurs à l'espace? Donc je me suis intéressé à ça à partir des questions d'environnement, puisque si en géographie autrefois ça a été étudié, ça a été je dirais à partir du moment de la modernisation de l'agriculture relativement abandonnée. Les géographes ont déjà relativement moins étudié l'agriculture très peu étudié la question des agriculteurs, du travail des agriculteurs. Pourtant, cette question elle a ressurgi avec les problèmes d'environnement, dans la mesure où quand les problèmes d'environnement se sont posés dans les années 70-80 et en s'accentuant toujours, eh bien justement cette relation entre pratique agricole et fonctionnement écologique a été au cœur d'une question de société qui n'a cessé de s'amplifier. Or, en fait, des pratiques agricoles mises en cause par rapport à l'environnement, eh bien, d'emblée, ça se traduit par des questions où l'espace est présent. Donc, il y a toujours une traduction dans l'espace de ces enjeux et des solutions imaginées pour résoudre les problèmes qui se posent. Et ça soulève une question du point de vue de l'espace, de l'articulation entre des fonctionnements d'écosystèmes ou des fonctionnements écologiques qui se spatialisent d'une certaine manière. Et pour les gérer, il faut aussi territorialiser les actions. Et en même temps, l'articulation entre ça et les espaces du fonctionnement agricole, les espaces des exploitations agricoles, des bassins de production, il y a cette articulation qui se pose. Et c'est d'ailleurs très net dans les questions d'environnement, les pratiques agricoles, par exemple, sont directement visées, hein, puisque ça s'est traduit par des normes qui régissent ces pratiques, qui les qualifient, on parle de code de bonnes pratiques agricoles, par exemple, de zones à enjeu, de mesures agri-environnementales. Et avec cette problématique-là, c'est que le regard sur les relations agriculteur-espace, il se renouvelle dans le sens où il est, c'est un regard constructiviste. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de comprendre des états d'équilibre, hein, une certaine façon de relier l'espace à l'activité agricole, mais il s'agit de comprendre comment ces rapports s'élaborent, se négocient, se recomposent en permanence. Alors, dans cette relation des agriculteurs à l'espace, il y a eu un certain nombre de travaux, mais relativement très peu de travaux, et en particulier du côté des géographes, s'intéressaient à la réorganisation interne du travail des agriculteurs dans l'espace de leur exploitation. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors, pour un peu préciser les questions de recherche qui m'ont intéressé et qui amènent à des travaux sur l'agriculture à proximité des villes, je donnerai rapidement trois temps, hein, qui balisent un peu mon itinéraire de recherche. Le premier, c'est lors de ma thèse. Ma thèse, elle portait sur les agriculteurs et la pollution des eaux. Et j'avais proposé à l'époque ce que j'ai appelé une géographie des pratiques. Donc c'est en rentrant par les pratiques que je me suis intéressé à la dimension géographique, c'est-à-dire en quoi la prise en compte de l'environnement amène les agriculteurs à réorganiser leur travail dans l'espace. C'est à ça que je me suis intéressé dans ma thèse. Et donc quelque part, c'était une première approche qui était une approche assez sectorielle, puisque je me suis intéressé à un cas qui était la question de l'eau dans les territoires. Alors pour préciser un peu, l'objet central de ma réflexion, c'est les pratiques, hein, pour saisir cette relation des agriculteurs à l'espace, et les pratiques vues comme un concept interdisciplinaire. C'est-à-dire, je suis d'origine de formation agronomique, j'ai fait une thèse de géographie et j'ai beaucoup travaillé au moment de ma thèse avec des sociologues. Donc j'ai un peu combiné des concepts et des cadres d'analyse des trois disciplines. Et en fait, si on regarde les pratiques du côté des agronomes et des agroéconomistes, notamment à l'INRAC, à l'Orstov, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, ils s'intéressent pas mal aux pratiques par rapport aux résultats des pratiques, les performances par exemple, les impacts. Et donc ils regardent la pratique par rapport à ce qu'elle peut donner du point de vue de l'économie ou de l'environnement. A contrario, les sciences humaines, en particulier les sociologues et les ethnologues, pour eux, les pratiques, c'est intéressant par rapport au sens qu'il y a derrière et aux fonctionnements sociaux qui les fondent. Donc, ils ont plutôt une approche amont de la pratique. On regarde la pratique comme révélant des significations sociales, des fonctionnements sociaux. Et quelque part, moi, ma proposition, c'est que les géographes, ils peuvent avoir une position médiane, puisque eux, en fait, nous intéressons à la fois aux pratiques dans leur rapport concret, matériel à l'espace, donc elles sont inscrites dans des espaces qui ont leur matérialité propre, Et en même temps, ces pratiques sont bien sûr des constructions sociales. Et donc, en jouant sur ces deux dimensions d'analyse de la pratique, on peut apporter des éclairages complémentaires aux autres disciplines. Et pour étudier la relation des agriculteurs à l'espace, j'ai relié les pratiques à leur espace de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'une part étudier les pratiques spatialisées dans l'exploitation, par exemple entre les champs, les sièges, les bâtiments, etc. Mais c'est aussi, surtout regarder comment, par ces pratiques, les agriculteurs agencent des espaces et des lieux. Et ça, c'est un aspect très important, je pense, qu'apportent les géographes, c'est la dimension le côté pluridimensionnel du rapport à l'espace. Un rapport, il y a des considérations, par exemple, logistiques, il y a des considérations foncières, des aspects culturels, des aspects sociaux. Je pense que ma thèse, et bon, d'autres thèses comme celle d'Yvon, que je connais, ou Maxime Marie aussi, qui vient de soutenir une thèse sur les représentations des sols, des milieux chez les agriculteurs, apportent ces éclairages tout à fait complémentaires à ce que les agronomes ont pu faire. Et en fait, dans la lecture que je propose, soit dans certains cas, il s'agit de partir de la compréhension interne des pratiques de l'agriculteur pour regarder comment ils fonctionnent, ils agencent d'autres logiques de leur environnement, ou au contraire, dans certaines situations, en particulier quand j'ai étudié des politiques publiques, eh bien regarder comment des injonctions exogènes qui se spatialisent, qui se traduisent par des étapes de l'espace, viennent impacter, perturber, réorganiser des fonctionnements spatiaux d'agriculteurs. Voilà. Ensuite, je me suis, après ma thèse, intéressé à une autre question qui renvoie au fait que les agriculteurs sont dans des espaces ruraux devenus ou reconnus multifonctionnels, et donc où la question des agencements spatiaux porte sur une diversité de fonctions, par exemple de production agricole, d'environnement ou d'autres activités rurales. Et donc la question là qui m'a intéressé, c'est comment les pratiques agricoles intègrent ou rendent compatibles différents usages, enjeux qui peuvent coexister dans des territoires ruraux. Et j'ai en particulier travaillé sur l'exemple de la Dombes et du Val de Saône, où ce sont des milieux où justement coexistent à la fois des usages multiples traditionnels et nouveaux. Et dans ces travaux, ce que j'ai mis en évidence, c'est le fait comment, en fait, dans ces situations, les agriculteurs vont combiner des pratiques techniques, des pratiques d'aménagement, des pratiques de surveillance écologique, des pratiques de coordination avec d'autres acteurs du voisinage, de négociation locale, pour justement agencer, organiser leur travail dans ces situations de territoire complexe. Donc derrière l'idée de réflexion sur la gestion intégrée des territoires. Et le troisième temps, c'est donc la question des agriculteurs dans les espaces périurbains. J'ai surtout travaillé dans des couronnes périurbaines de villes moyennes, par exemple Dijon, Chalon-sur-Saône, Montpellier. Ce nouveau thème, il est venu plutôt par la demande. Bon, à l'INRA, département SAD, auquel j'appartiens, on travaille beaucoup à partir de questions posées par des acteurs de terrain. Et dans le périurbain, on a été sollicité par des responsables d'agglomération ou au contraire par des professionnels qui n'arrivaient pas à travailler ensemble et qui, fait appel à la recherche pour porter des diagnostics, organiser des dialogues et essayer de trouver des solutions d'articulation. Et là, ce qui est intéressant dans ma question sur les relations des agriculteurs à l'espace, c'est qu'en s'intéressant à ces lieux proches des villes, on s'intéresse aussi à l'agricole dans des espaces non agricoles, même s'il y a beaucoup de surfaces agricoles. C'est-à-dire que les fonctions premières sont résidentielles, ce qui se traduit économiquement par des situations foncières très particulières qui contraignent fortement l'agriculture, mais où les agriculteurs sont en même temps des détenteurs forts de ce foncier. Socialement, ce sont des habitants qui habitent dans des petits villages, mais qui sont des urbains, qui travaillent dans le pôle urbain. Et puis du point de vue de l'environnement, c'est bien sûr, il y a toujours la question de l'environnement, les écosystèmes, mais il y a aussi la question plus culturelle de la nature recherchée par les habitants. Le paysage, le cadre de vie, etc. Et ce qui a fait fortement question, enfin une montée en puissance des questions sur l'agriculture périurbaine, je pense, depuis une dizaine d'années, c'est que c'est surtout les urbains, en fait, qui investissent l'agriculture périurbaine. C'est pas trop le monde agricole qui se pose ce problème-là. Et c'est, à mon avis, très lié aux nouvelles procédures d'aménagement de l'espace, en particulier les SCOT, les demandes d'articulation des périmètres intercommunaux, périmètres des pays par rapport au zonage de l'INSEE qui avait étendu les aires périurbaines, etc. C'est aussi des soucis de préservation portés par des habitants, des associations d'habitants. Plus récemment, suite aux crises, c'est aussi des demandes de transformation, la question de l'alimentation à proximité des villes, des villes qui réfléchissent à des politiques alimentaires et qui s'interrogent sur leur agriculture environnante, de proximité. Donc aussi des demandes sur, on veut, certains modèles de production qui ne sont pas ceux qui sont existants, par exemple sur le bio, des demandes en bioénergie, etc. Et il y a aussi un phénomène beaucoup plus discret qui est que des non-agriculteurs investissent directement l'espace agricole par l'achat de terres. Et ce n'est pas simplement l'achat de terres pour construire ou pour artificialiser, mais pour des usages plus ou moins soit récréatifs, soit de petites activités agricoles. Voilà. Donc, quelque part, c'est la question des relations entre les pratiques agricoles et l'urbanité qui m'intéresse dans ce troisième terrain, si on peut dire, dans mon travail. Et donc, c'est la question des voisinages entre les agriculteurs et leur environnement. Donc, c'est à la fois dans l'espace bâti, dans les terres, mais aussi les espaces partagés. Je vais donner des exemples autour des chemins, des routes, etc. Et en arrière-plan, il y a aussi la question du statut privé-public de l'espace agricole. Dans la mesure où ces demandes urbaines, en fait, confèrent à l'espace agricole, qui est en grande partie privé, un statut public, de bien public ou de bien commun. Et donc, la question de la publicisation des espaces agricoles se trouve posée. Voilà, donc, simplement pour résumer cet itinéraire, et je vais venir au cas du périurbain. Cette relation des agriculteurs à l'espace, je l'ai d'abord vue dans comment une agriculture, des agricultures productives intègrent l'environnement, puis la multifonctionnalité territoriale, puis l'urbanité. Alors, pour prendre l'exemple, les agriculteurs et l'espace à proximité des villes, j'ai choisi trois regards qui correspondent un peu à trois figures de l'agriculteur. L'agriculteur producteur, l'agriculteur transporteur et l'agriculteur habitant. Alors, l'agriculteur producteur, à travers cet exemple, je voudrais montrer qu'il y a des proximités entre les agriculteurs et les villes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de jouer de ces proximités. Alors, ça dépend des logiques de production, des logiques foncières, enfin, de tout un tas de critères, mais il y a une grande diversité. Derrière l'agriculteur transporteur, c'est la question du partage de l'espace. Et je vais prendre l'exemple des circulations agricoles autour des villes. Et cette question de partager pour des usages agricoles des infrastructures routières a des conséquences énormes dans ces situations particulières. Donc c'est la question de la coprésence, en fait, dans le deuxième thème. Puis dans le troisième, sur agriculteurs habitants, je vais prendre l'exemple du bâti agricole et des sièges d'exploitation, et les problèmes que pose leur gestion dans les zones périurbaines. Et où là, en fait, je pense que c'est des rapports de comment les agriculteurs négocient leur place dans le système social de ces villages. Et donc, c'est la question de la coexistence. Alors, j'ai mis entre pas la question dans le système social, le système du village, et sur ce troisième thème, c'est la question de la coexistence entre agriculteurs et autres habitants, municipalités, etc. Et j'ai mis entre parenthèses, vous voyez, des non-agriculteurs détenteurs d'équidés. J'ai mis entre parenthèses parce que je pense que je n'aurai pas le temps de l'évoquer. Mais on s'est intéressé, en lien avec une thèse d'économie avec les haras nationaux, sur les propriétaires d'équidés qui sont les animaux les plus nombreux dans les espaces périurbains où il n'y a quasiment plus d'élevage. Autour de Montpellier, le seul animal que vous voyez quasiment, c'est le cheval. Et ce sont des non-agriculteurs qui utilisent des terres agricoles. J'en dirai quelques mots, parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans ces cas-là, la relation avec les agriculteurs, elle est inversée. C'est-à-dire que les agriculteurs sont des propriétaires, des prestataires pour des gens qui gèrent l'espace agricole, qui ne sont pas, sont des amateurs. Alors, l'agriculteur producteur, donc là, je vais vous détailler un peu ces trois figures. Alors, sur l'agriculteur producteur, finalement, une question, les exploitations agricoles périurbaines sont-elles différentes des autres? Sont-elles spécifiques? Bon, l'ensemble des travaux répondent non. En fait, ce ne sont pas des formes d'agriculture différentes des autres. Par contre, les travaux s'accordent à dire que la proximité urbaine accentue certaines caractéristiques, soit certaines contraintes, soit certaines opportunités. Donc on peut dire qu'elle accroît la différenciation des agricultures. Mais on y trouve un peu toutes les agricultures qu'on peut trouver dans le rural. Peut-être à l'exception de formes très intensives comme des élevages hors sol, qui vont se trouver beaucoup moins à proximité immédiate des villes, quoique. Voilà. Donc, alors, pour fixer les idées, je reprends une typologie de Pierre Donadieu que j'ai trouvée assez éclairante. Il a écrit il y a déjà une dizaine d'années, où il distingue trois agricultures urbaines et périurbaines: les historiques, les indépendantes et les innovantes. Les historiques, on voit, c'est le lien des agricultures très liées au marché urbain. C'est constitutif de ces agricultures, donc c'est ce qu'on connaît très bien sous le terme de ceinture horticole ou maraîchère. Donc qui se sont maintenus, plus ou moins, dans certains cas, tout en se transformant profondément. Les indépendantes, c'est plutôt des agricultures rurales, on va dire, qui se font rattraper par la ville avec l'étalement urbain. Qui sont des agricultures qui fonctionnent principalement sur les logiques de filières régionales, nationales, et qui peuvent, a priori, continuer à fonctionner avec peu de dépendance par rapport à la proximité urbaine, voire en limitant les liens à des questions de simple voisinage, des stratégies d'évitement, de spéculation foncière, etc. Alors les innovantes, c'est plus normatif comme propos. Il parle de formes inédites d'agriculture urbaine, qui sont finalement, je pense, assez rares, même si peut-être on est dans une phase où elles commencent à émerger. Même par exemple, les formes diversifiées ou de circuits courts, qui sont fortement attendues dans ces espaces des habitants, dans le fond, les producteurs sont très peu dans les couronnes périurbaines immédiates. Ils sont plutôt dans les secondes, troisièmes couronnes, dans le rural, pas très éloigné des villes, assez connecté aux villes, mais Jean Pilboux le montre très bien à l'échelle de la région Midi-Pyrénées, où on travaille sur le Languedoc-Roussillon, on l'observe aussi. Par contre, il y a quand même des formes très, très intéressantes d'agriculture qui, au contraire, rentrent dans la ville. Et ça se voit beaucoup dans les pays en voie de développement. où se développent des agricultures sans sol, hein, les agricultures dans les bidonvilles, le long des murs, sur les toits, etc. Et notamment, les architectes travaillent beaucoup sur ces approches qu'ils appellent le edible landscape, paysage mangeable, hein, qui se développe. Alors, en fait, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer sur Dijon de ces agricultures autour d'une ville. C'est intéressant parce que c'est un cas très classique de ville moyenne. Vous voyez autour de Dijon un peu les différents découpages, l'agglomération, le SCOT, l'aire urbaine de l'INSEE. Bon, ça donne une idée de ce qu'on va ranger dans l'aire périurbaine. Et quand on regarde au niveau des données agricoles, bon, même si elles ne sont pas très, très récentes, ce qu'on voit très vite, c'est que les principales données agricoles ressemblent à ce qu'on trouve ailleurs dans le département, avec quelques spécificités qui apparaissent quand on est tout près du pôle de l'espace construit, vraiment dans les communes attenantes à Dijon. Donc, plus de pertes d'exploitation et de surface, ce qui est assez logique quand même. Plus d'activités diversifiées, plus de très petites exploitations. Et puis une dissymétrie est-ouest dans l'évolution des surfaces, des productions et des services. Alors, vous voyez par exemple ici l'agriculture du département de la Côte d'Or, où on voit bien qu'autour de Dijon, on retrouve les systèmes régionaux de production, céréaliers, grande culture, viticulture et élevage. Donc il n'y a pas d'effet ville, en tout cas observable à partir des statistiques d'orientation économique des exploitations. Et si on regarde plus au niveau de l'aire urbaine, vous voyez l'occupation du sol en rouge, le Dijon et les villages et les constructions. Vous voyez que ça se développe plutôt d'un côté à l'est, qui est la plaine. Il y a la côte et ensuite à l'ouest, c'est ce qu'on appelle la montagne bourguignonne, qui est plus forestière et moins urbanisée. Et donc, en fait, autour de cette ville, eh bien, dans le fond, on se dégageait d'une part un système grande culture de plaine et un système, même si les paysages sont proches, de céréaculture et de forêt sur le plateau. Et alors, ce qui est intéressant et qui, à mon avis, est assez révélateur de des caractéristiques de la proximité urbaine, c'est vraiment les services. Moi, je pense que c'est plus les services que des caractéristiques de qualité de produits. Et on voit que du côté où il y a le développement résidentiel, on a des exploitants qui développent des services de travaux, de terrassement, d'entretien de fossés, etc., liés vraiment à ce développement résidentiel. Alors que sur le côté qui est moins urbanisé, mais qui est plus le côté qui est récréatif de Dijon, on voit des activités plutôt de services de type accueil. Donc services en lien avec un développement des loisirs. Donc il y a quand même si les dominantes agricoles reflètent le département, des mécanismes d'adaptation, des activités particulières qui apparaissent. Et autour de Dijon, en fait, il y a une agriculture urbaine résiduelle qui est constituée de petits maraîchers, de petits producteurs de fruits et qui sont connectés au marché local. Alors, pour avancer, je vais simplement, en fait, résumer. Suite à ce travail, on a analysé auprès des exploitants qui sont les plus près de la ville de Dijon, un petit peu quelles étaient leur logique économique, hein, pour voir comment ils s'adaptaient justement à cette avancée urbaine. Et ce travail a été ensuite comparé à d'autres travaux, et en particulier on a travaillé avec Bertille Tarot sur Angers et Françoise Jarich sur Montpellier. Et à partir de là, on a proposé en fait, on a identifié trois logiques contrastées d'agriculteurs auprès des villes. Les premiers, en fait, ils jouent sur l'abondance d'espace qu'ils gèrent ou qu'ils possèdent comme ressource. Donc s'agrandir pour pallier le risque de perte de surface. La logique filière prédomine, la concentration des structures peut se poursuivre. L'emploi urbain est un emploi complémentaire pour le ménage. Et donc, par exemple, on tolère une perte de surface parce qu'on peut trouver des sources d'emploi non agricoles complémentaires parce que, justement, on est près de la ville. Et c'est très caractéristique des systèmes grande culture, polyculture, élevage. Dans ces cas-là, effectivement, les activités diversifiées sont faibles. Et cette forme-là, elle est très forte dans le cas du fermage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois une instabilité foncière, une précarité foncière pour les fermiers, et en même temps, comme il y a cette précarité, il y a un faible coût, parce que c'est des mises à disposition précaires, etc. Donc, en fait, ils gèrent ce qui est instable d'un côté, permet quand même de bonne valorisation de l'autre. Il y a une deuxième logique qui est plutôt une logique de l'emplacement. C'est-à-dire, c'est plutôt une logique, je suis là, et à partir de là, je me développe. Donc, c'est intensifier l'activité sur des structures stables où l'ancrage urbain est une ressource pour le positionnement commercial sur des marchés concurrentiels, qu'ils soient locaux ou export. Le pôle urbain, c'est des débouchés locaux ou des infrastructures et de la main-d'œuvre salariée. Et là, on va surtout trouver les systèmes à forte valeur ajoutée, à fort emploi salarié, des systèmes maraîchers, horticoles, des diversifications pérennes et des systèmes en propriété. Et ce qui est intéressant dans le cas du périurbain, c'est que ces systèmes-là qui fonctionnent sur peu de surfaces en propriété sur lesquelles ils mettent beaucoup de valeur ajoutée, quand elles sont menacées ou réduites par la construction, c'est des gens qui se développent, qui développent des stratégies complètement extérieures, peut-être même à l'étranger. Un exemple près de Saint-Rémy-de-Provence, un agriculteur qui fait de l'olivier, il a un moulin, il fait de l'huile et tout, sur des toutes petites surfaces, qui par ailleurs a monté un business production légumière en Indonésie, importe par container, etc. Voilà, donc on a ces logiques multi-localisées et surtout multimodèles. C'est ça qui est, je pense, intéressant et assez peu connu. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils jouent aussi sur des modèles, ici du bio, là de l'agro-industrie, par exemple. Et puis, une troisième logique, qui est plutôt une logique, la résidentielle, qui est pratiquer une agriculture d'attente ou de loisir, conserver ou développer un rapport avec l'agriculture. Donc, par exemple, il y a beaucoup de retraités agricoles ou de pluriactifs ne sont jamais devenus monoactifs. Voire dans certains cas des acquéreurs non agricoles. Donc des logiques multiples, patrimoniales, opportunistes, spéculatives, et tout type de production. Oui, on trouve même des productions tout à fait ordinaires de céréales, de viande, de propriété ou usage temporaire. Et donc là, je pense qu'il y a une figure un peu qui se développe dans ces zones, qui est une sorte de péri-agriculture. Deuxième exemple, l'agriculteur transporteur. Alors, figure de l'agriculteur transporteur, où là, ce qui est intéressant, c'est que une autre réalité de la proximité urbaine, c'est qu'il y a du monde. Et il y a du monde qui circule. Alors, l'exemple de la circulation agricole, ça peut vous paraître quelque chose de très anecdotique. Mais pas si vous savez ce que c'est que le travail des agriculteurs, c'est-à-dire que le temps qu'un agriculteur passe à se déplacer, à transporter, à desservir, à circuler, je n'ai jamais calculé, mais c'est énorme. Or, en fait, un agriculteur est quelque part toujours sur le territoire des autres, en tout cas sur des espaces publics qu'il partage avec d'autres. Et dans le périurbain, il y a des sujets tendus à ce propos, parce que pour contenir la circulation, il y a des réglementations routières qui se durcissent. Il y a des aménagements de centre-bourg, les chicanes, etc. Tout le monde connaît ça, qui sont raisonnés en fonction de circulations qui sont la voiture, le bus et de plus en plus les circulations douces. Mais les engins agricoles sont absents totalement de la réflexion. Et en faisant ce travail, que je vous présente très rapidement, sur la circulation agricole, en fait, c'est très compliqué la circulation agricole. C'est-à-dire qu'autant d'engins, autant de gabarits, qui sont soit très larges, soit très longs, très lents, très lourds, voilà. Et donc même, je dirais même la gendarmerie, etc., tout le monde s'y perd un peu dans... voilà. Alors... on a travaillé sur Chalon-sur-Saône. Bon, voilà un exemple typique, un agriculteur qui se fait doubler sur des bandes blanches, tout ça. Donc, là, j'ai un étudiant qui a suivi carrément des agriculteurs tous les jours en regardant ce qui se passait pour reconstituer les problèmes de gestion de chantier. Et on a travaillé, là c'est Chalon-sur-Saône, vous voyez la Saône, Chalon et puis les communes de la communauté d'agglomération de Chalon. Et on a travaillé sur les communes du sud, là, Saint-Rémy, Sevrais, parce que c'est un secteur où il y a justement une rocade qui va interdire les fonctionnements agricoles. Alors c'est intéressant, c'est quand on rentre par la circulation agricole, il y a tout un tas d'aspects derrière ça. Il y a les gènes à l'agriculteur, donc les contraintes de déplacement, des ponts, des tournants, des chicanes, des usages de chemin, des longues distances. Il y a les gènes à la circulation. L'agriculteur, il ralentit, il crée des bouchons. Donc les traversées de bourg, les rues étroites, les routes périurbaines principales. Le périurbain, très vite, dès qu'on sort de la ville, c'est des routes moyennes, sinueuses, où les gens vont vite parce que le matin, ils sont en retard et le soir, il faut rentrer. Voilà. Et donc, pour les agriculteurs, c'est très, très... La notion de danger et de risque d'accident est très forte. Et puis, ce sont les nuisances et les conflits de voisinage liés au travail, au bruit, à la circulation, aux nuisances, aux abords des fermes et aux parcelles mitoyennes. Et en fait, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que ces contraintes-là ont des conséquences sur les choix de production, sur les choix techniques, sur les stratégies d'exploitation. Est-ce que du coup, on peut, à cause de ça, voilà. Et quelles sont les pratiques d'ajustement au voisinage pour ce partage de l'espace. Donc on est rentré par... c'est un travail d'enquête auprès des exploitations agricoles, et où on a repéré, et là vous voyez la cartographie de synthèse, des difficultés de circulation signalées par les agriculteurs. Et après, la méthode consistait, à partir de ces difficultés, à comprendre le fonctionnement, l'organisation spatiale du travail de l'agriculteur pour voir en quoi ces contraintes pouvaient gêner. Donc voilà le genre de choses que l'on fait. Schéma fonctionnel d'exploitation, vous voyez, où les zones bâties sont en grisé, et donc on regarde, le siège de l'exploitation est à vue ici, et en fait, comment l'agriculteur il compose son espace, ses choix productifs, et par rapport à la cartographie des difficultés liées au voisinage et à la circulation, dans le fond, en quoi ça pouvait changer ses modes de culture, ses choix techniques, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail. Mais donc on a fait ça pour toutes les exploitations. Et on a aussi travaillé très finement sur le voisinage. C'est-à-dire que si on veut travailler sur les problèmes de voisinage, il faut vraiment, c'est la très grande échelle, hein, c'est les parcelles attenantes au lotissement, et le fait qu'il y ait une haie, un chemin ou pas entre le lotissement et le champ change complètement la problématique de la nuisance. Et donc, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que dans les parcelles enclavées dans les maisons, eh bien, les agriculteurs, la culture la moins nuisible, c'est le maïs. Et pas par ailleurs une culture très, très écologiquement connotée, on va dire. Hein. Mais comme c'est une culture de printemps, finalement, le gros problème avec les habitants, c'est la boue, avant d'être la nuisance, etc. C'est la boue. Et donc, les cultures de printemps ne posent pas de problème de boue. Il y a aussi moins d'intervention d'intrants et de traitements. Et vous voyez, les prés, finalement, c'est aussi très problématique, parce qu'il y a des animaux dans les prés, et les gens, par exemple, donnent à manger aux vaches. Et ils tondent leur pelouse, ils lancent l'herbe aux vaches pour nourrir les vaches. Mais après, les vaches, elles défoncent la haie pour aller bouffer le jardin. Donc voilà le genre de choses qui se passent dans le périurbain, parce que les habitants aussi créent des relations particulières. Alors, le résultat majeur de ce travail-là, c'est que par rapport à notre question, en fait, les difficultés de circulation ne remettent pas en cause les orientations productives des exploitations. Ça nous a surpris, c'est-à-dire que même dans des situations où les contraintes sont très fortes, les agriculteurs continuent à faire les mêmes choses. Par contre, ce qui change et qui ne se voit pas du tout, c'est l'organisation du travail, et en particulier les horaires de travail. Et en fait, les agriculteurs du périurbain travaillent soit quand il n'y a pas de voiture sur les routes, donc la nuit, soit quand les gens, les commuteurs, là, les alternants, sont au boulot et ils peuvent passer près des maisons sans trop gêner. Et donc en fait, il y a toute une réorganisation des horaires de travail agricole en fonction des rythmes et des horaires des habitants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les agriculteurs, ils veulent se faire discrets. Ils veulent éviter les conflits, les anticiper. Et il y a donc vraiment une coprésence. On pourrait dire qu'il y a des vies parallèles. Et les gens ne se rencontrent pas ou peu. D'ailleurs, les habitants le disent. Les habitants, ils disent, les agriculteurs, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Comment ça se fait ? Bon, il y a aussi des conflits importants. Alors, les conflits les plus importants, j'ai évoqué les boues, c'est surtout les poussières dans les moissons. Juillet, les gens ont des piscines, les gens font des barbecues, etc. Et quand ils moissonnent, les agriculteurs, en général, ils moissonnent à fond. Et on a même vu... Dans une commune, un témoignage d'agriculteur qui s'est fait prendre d'assaut par un groupe d'habitants, lui imposant d'arrêter sa machine la nuit parce qu'ils étaient en train de faire la fête, etc. Voilà. Donc, ça peut aller malgré tout. Voilà. Donc, ça change l'organisation du travail. Et alors, il y a un autre phénomène important, c'est que les contraintes de circulation sont réglementairement fortes. Ce qui fait que les agriculteurs ne peuvent plus assurer, respecter la réglementation. Par exemple, pour transporter une moissonneuse, il faut un véhicule devant, un véhicule derrière, il faut une remorque pour mettre le pick-up, etc. Et dans le fond, les agriculteurs n'ont pas la main-d'œuvre, l'organisation. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils délèguent de plus en plus les travaux avec des engins gênants. Donc c'est courant hein, sur les récoltes. Mais par exemple, ça devient, dans cette zone, ça devenait assez systématique pour les semis. Donc c'est un autre effet du périurbain, c'est que se développent ces activités de service entre agriculteurs, certains investissant dans l'entreprise agricole pour être prestataires chez les autres. Troisième et dernière figure, l'agriculteur habitant. Des travaux que j'ai démarrés dans l'Hérault en arrivant à Montpellier, là, depuis 4 ans, sur la question du bâti viticole. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est, c'est les agriculteurs dans l'espace construit, dans le village, dans la ville. Et donc, là, il y a une tension très forte. Bon, vous voyez ici, c'est le village de Villeverac, c'est typique du village languedocien. Le village viticole de maisons anciennes très denses, quartier ancien très dense, et puis les pavillons autour. Vous voyez la vigne au premier plan, et entre la vigne et le village, vous voyez des parcelles qui sont des parcelles de friches. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des parcelles arrachées prioritairement près du village, en attente aussi d'un jour d'urbanisation. Donc il y a déjà une logique d'organisation de l'espace dans cette photographie. Mais dans ces villages... où les agriculteurs, bon nombre, sont encore utilisateurs des maisons vigneronnes, hein, les maisons, vous savez, à étage, où le chai en bas et puis l'habitation au-dessus. Le chai est devenu un hangar de rangement de matériel. Mais quand il y a augmentation, avec la crise, il y a aussi la concentration des structures, et où quand il y a transmission, eh bien, les besoins spatiaux en bâtiment des exploitations augmentent. Or, il n'y a pas de solution dans le village. Et donc, s'est développé des demandes de permis de construire, même une explosion des demandes de permis de construire, carrément, dans les champs. Avec derrière toute la problématique du mitage. Donc, des difficultés à construire des bâtiments, à se loger aussi, pour les jeunes. Et donc, des réflexions... alors, on a fait un travail sur l'analyse des besoins spatiaux des agriculteurs en matière de bâtiments, bon, qui a permis de repérer différentes trajectoires. D'une part, des trajectoires de recyclage, recomposition de l'utilisation des bâtiments anciens dans les villages et dans les masses. Sorties... de villages où, dans les premiers temps, dans les années 70-80, en fait, les agriculteurs, les enfants se sont mariés, ils ont construit leur maison dans le lotissement avec le projet de construire le hangar à côté de la maison. Or, ça a été interdit ensuite par la réglementation. Donc, on a plein d'agriculteurs qui ont le matériel dans la cour, dans le jardin du pavillon. On est aussi dans le sud, en système viticole, où il n'y a pas des besoins en matériel comparables à des exploitations d'élevage, des choses comme ça. Et alors, surtout, la logique très forte qui s'affirme depuis les années 90-2000, c'est des demandes de création de bâtiments en zone agricole, au sens des plans locaux d'urbanisme, sur leurs terres. Et souvent, le schéma, c'est on construit un hangar et quelques années après, on demande le permis de construire de la maison pour être près de... Et dans cette situation, au niveau du département de l'Hérault, ils ont proposé des projets de regroupement en hameaux agricoles. Alors le hameau agricole, en fait, l'origine de ça, c'est la loi Littoral qui interdit de construire en zone agricole, alors que dans les autres communes classiques, c'est autorisé, moyennant certaines conditions, sauf que dans le périurbain, les autorisations sont de plus en plus difficiles à obtenir. Mais ils ont utilisé la loi Littoral pour importer cette idée, interdiction de construire en zone agricole, sauf si hameau intégré à l'environnement. Et des communes, le département, les services de l'État ont construit un concept de hameau qui consiste à regrouper des hangars avec logements dans une zone dédiée, une sorte de lotissement inscrit dans le plan local d'urbanisme, avec un mécanisme de portage public permettant aux agriculteurs d'avoir un prix intéressant pour le foncier, donc de renoncer à leurs droits moyennant un prix intéressant, et une destination agricole d'une durée minimale, et avec ici un public cible qui sont les viticulteurs coopérateurs, qui sont finalement ceux qui sont dans les villages. Alors, les projets de hameau agricole, en fait, ils ont démarré en 2003. Il y a eu une vingtaine de projets, mais avec de très très grosses difficultés. C'est très conflictuel. D'une part, parce que les agriculteurs contestent l'abandon, refusent l'abandon du droit à construire en zone agricole. Et également le renoncement à la vente de terres dans un contexte de forte crise viticole, bon, liée à la situation régionale particulière. Et c'est une procédure longue et coûteuse. Aujourd'hui, il y a une seule réalisation de ce hameau bâtiment plus logement. Et je vous donne ici le plan. Vous voyez en fait en gris cette zone économique agricole avec une douzaine de parcelles où des agriculteurs candidats peuvent construire. Et vous voyez qu'attenant à cela, il y a d'autres lotissements. Et en fait, ça n'est pas dans le projet de départ. Mais ce qui s'est passé, là ça renvoie bien à cette question des agriculteurs et des habitants, c'est que quand il y a eu ce projet, il y a des habitants qui ont dit que ce n'est pas normal que les agriculteurs aient des droits différents des autres. C'est une question d'équité. Les jeunes du village qui ne sont pas agriculteurs ont aussi des difficultés à se loger, etc. Et donc il y a eu toute une négociation pour, du coup, partant d'un hameau, construire un quartier avec différents modes d'accès au logement. Donc, une expérience qui révèle des effets inattendus pour les élus locaux. Donc, les contreparties accordées aux agriculteurs en termes de faible prix ont été perçues comme des inégalités par les habitants, ce qui a posé une question d'équité sociale dans la politique communale. Et du coup, vous voyez que ce hameau agricole, c'est devenu un quartier. Alors, il y a dans les zones vertes, là, des logements sociaux, il y a des accès locatifs pour les jeunes, et en jaune, en fait, des parcelles qui sont vendues au prix fort pour des gens qui ont plus de moyens, etc. Donc, toute une conception de la politique, une reconception de la politique de l'habitat générée par ce projet de hameau. Mais ça aussi, c'est une expérience qui change aussi les relations des agriculteurs et des habitants. D'une part, c'est poser le problème de la sélection des candidats entre agriculteurs et a ressurgi la question habituelle, agriculteur à titre principal ou pluriactif, qui est vraiment là-bas posée en termes de pluriactifs, de gens qui ont beaucoup plus, enfin c'est des gens, par exemple, des pluriactifs qui ont des métiers de haut niveau. Pas des pluriactifs pauvres, c'est plutôt des pluriactifs riches. Et la difficulté aussi par rapport à des projets de diversification. Alors, des avantages professionnels, parce que les agriculteurs se discutent. Alors, ça crée d'ailleurs des problèmes, parce que vous voyez la coopérative de l'autre côté. Donc, ça fait un contre, un autre lieu où il y a des dialogues très forts entre agriculteurs, donc les gens de la coopérative, le hameau, ça devient un lieu un petit peu concurrentiel de la dynamique viticole du village. Mais ce qui est très important aussi, c'est que c'est une approche assez technique qui améliore la situation professionnelle. Mais par exemple, les agriculteurs enquêtés disent qu'ils ont abandonné les pratiques d'ajustement au voisinage. C'est-à-dire qu'étant dans le village, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la circulation, ils avaient tout un tas de pratiques pour éviter de gêner, pour tenir compte des voisins, etc. En allant de manière un peu forcée collectivement dans ce hameau, un mélange d'avantages et d'inconvénients, les agriculteurs disent maintenant on est là, on nous a mis là, combien de plus nous embêter, et donc ils changent les sociabilités entre les agriculteurs et les habitants changent. Les habitants par contre, entre neutralité et regret de perte de ruralité du village. En fait, on se rend compte vraiment que les habitants sont loin du monde agricole, des problèmes du monde agricole. Ce qu'ils regrettent, alors c'est intéressant parce que sur les nuisances par rapport au bruit, par exemple, les habitants regrettent qu'il n'y ait plus de bruit de tracteur, par exemple, dans le village. Parce que ce bruit, ça fait penser à la campagne. Et puis, un phénomène de concentration des nuisances agricoles ou à bord du hameau. Donc là, on peut imaginer que les questions de voisinage risquent de se poser. Donc c'est à la fois une solution et un risque. Alors, synthèse sur le bâti agricole. Dans le cas de l'Hérault, il y a un mouvement très fort qui est de sortir, la volonté de sortir du village, les exploitations agricoles. Les agriculteurs veulent s'installer sur leurs terres. Et moi, je faisais le parallèle avec la périurbanisation. C'est-à-dire qu'à leur niveau, les agriculteurs veulent aussi aller dans un endroit calme où ils peuvent faire leur activité en étant tranquilles et tout. Donc, ils veulent aussi s'ex-urbaniser. Donc, on retrouve ce phénomène. Voilà, coexistence agriculteur-résident. On retrouve dans les trajectoires du bâti agricole la division sociale de l'espace urbain, la centralité du village, le problème de la relégation en périphérie et le désir de nature et de calme en zone agricole. Donc, voilà les exemples que je vous donnais. Donc je conclue. J'ai beaucoup dépassé. Non, ça. Je conclue avec finalement les observations majeures que je ferai en bilan à la fois de ce que j'ai dit sur le périurbain et de l'ensemble de mes travaux. Ce qui me semble très fort dans l'évolution de ces relations des agriculteurs à l'espace, il y a un mouvement dominant, c'est quand même ce maintien au maximum des systèmes en place. Quand c'est possible, maintenir la logique sectorielle, la logique productive, la logique professionnelle. Soit c'est ça, soit on négocie la disparition progressive par petites étapes, via des ventes de terres partielles, des démembrements d'exploitation lors de la transmission, des réductions d'activités agricoles au profit d'emplois non agricoles. Donc on gère un petit peu la perte, tout en restant sur le même modèle. Par contre, tout le débat sur une agriculture périurbaine d'un nouveau genre, une agriculture de proximité, c'est minoritaire. Le développement d'exploitations multifonctionnelles jouant sur tous les tableaux, ça existe, mais c'est mineur, je pense, en nombre. Et c'est pas plus fort dans le périurbain, je pense même moins fort que dans le rural. Peut-être que les zones les plus intéressantes aujourd'hui, c'est plutôt les deuxièmes, troisièmes couronnes. Ne pas être très très loin des villes, mais être quand même dans des espaces où les agriculteurs ont suffisamment de marge de manœuvre pour jouer, maîtriser leur activité. Et puis ce qui est aussi mineur, mais qui mérite observation, c'est l'investissement dans l'agriculture de non-agriculteurs, donc par des achats de terres, des jardins qui au début sont des simples jardins mais qui peuvent devenir des grands jardins où déjà il y a de la vente, des choses comme ça. des exploitations de retraite, du hobby farming un petit peu, bon, les amateurs d'équidés dont je vous ai juste parlé, etc. Donc, des formes de péri-agriculture qui pointent à l'horizon, quel développement auront-elles, je ne sais pas. Un autre point aussi, je l'ai évoqué à propos des hameaux, mais c'est vrai à propos des différents projets, un peu d'idées d'aménagement intégré, articulant agriculture et développement urbain. On se rend compte que ces expériences, elles sont très difficiles, très conflictuelles, très douloureuses aussi pour les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des logiques très fortes, et ces logiques qui visent à intégrer du développement agricole, à de l'aménagement, elles sont très difficiles. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de conflits, peu de réussites. Je le dis parce que souvent il y a tout un discours sur le périurbain innovant, milieu innovateur, etc. Mais oui, innovant, mais il y a beaucoup d'échecs. Pourtant, je pense qu'on est là devant des situations qui sont intéressantes en termes de réflexion à venir, c'est-à-dire quand même cette diminution continue des agriculteurs, des familles agricoles, et finalement l'absence de ou la faiblesse du renouvellement par d'autres voies que l'origine familiale, qui est toujours le mouvement fort en fait chez nous. Ça pose quand même des questions sur qui seront les agriculteurs demain. Et quelque part, je pense que le périurbain, il est intéressant pour ça, parce qu'on voit des formes un peu en accéléré des difficultés que ça pose, hein, le délitement, on peut dire, hein, du monde agricole, à la fois en nombre, mais aussi en organisation. Et c'est sans doute là que le périurbain est un espace très critique. C'est la faiblesse de l'organisation des agriculteurs. Alors, peut-être que les nouvelles formes d'associations agriculteurs-consommateurs vont prendre la relève, mais en tout cas, c'est assez frappant. Voilà, et pourtant, et c'est une hypothèse pour le débat, c'est que je crois que ces projets de proximité vont s'intensifier. Et je crois que le poids des collectivités locales et des mouvements associatifs va continuer à croître. Donc, quels vont être les effets pour les agriculteurs et pour l'avenir de l'agriculture, je ne sais pas, mais je pense que ce poids des acteurs publics et des mobilisations citoyennes locales vont continuer à croître, et en tout cas on peut penser par exemple qu'au niveau national et au niveau européen, ce qui tient 90% de l'agriculture en termes de politique sectorielle, ça va s'affaiblir. À peu près, je sens que le mouvement il est plutôt dans l'affaiblissement. Alors ça va s'affaiblir comment? Est-ce que ça va s'affaiblir en déléguant justement au local plus de moyens pour avoir des politiques agricoles plus localisées? Je ne sais pas. Il y a des mouvements qui vont dans ce sens, mais je ne sais pas. Voilà.